Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Question 25. De l'adoration du Haut Christ. Pluralité de motifs dans le culte de la triunité d'adoration. Du culte rendu à l'humanité du Christ, à son image, à la vraie croix. Du culte d'hyperdulie rendu à la Sainte Vierge. Vénération des reliques. 1. Doit-on adorer par une seule et même adoration la divinité du Christ et son humanité? Le 5e Concile Général a formulé ce décret, si quelqu'un dit que l'on doit adorer le Christ dans ses deux natures, ce qui donne lieu à deux adorations, et que l'on ne doit pas adorer par une seule et même adoration le Verbe incarné et sa propre chair, comme l'Église de Dieu l'a enseigné dès le principe, qu'il soit anathème. L'honneur se rend à la personne même, et non à telle partie de la personne. En effet, nous voulons honorer l'homme lui-même en rendant des honneurs, par exemple, à sa main, à ses pieds, à ses vêtements, à son portrait ou à ses envoyés. Bien que ces honneurs soient motivés par plusieurs raisons, par le rang, par la science ou par la vertu, c'est toujours la personne que l'on honore à cause de son rang, de sa science ou de sa vertu. S'il y a pluralité dans les motifs, il y a unité du côté de la personne honorée. Semblablement, le Christ étant une seule personne, qui a la nature divine et la nature humaine, l'adoration qu'on lui rend est nécessairement une, bien qu'elle soit multiple au point de vue des raisons qui la motivent. La pluralité d'adoration supposerait plusieurs personnes en lui, ce que les conciles ont toujours condamné. Note. On ne rend pas au Christ deux adorations, mais on peut avoir plusieurs raisons de l'adorer. On lui défère des honneurs, tantôt pour sa sagesse divine, tantôt pour sa sagesse humaine. Fin de la note. 2. Faut-il adorer l'humanité du Christ par le culte de la Trie? Les hommages rendus à l'humanité du Sauveur s'adressent-ils au Christ lui-même, comme à l'objet adoré? Dans ce cas, adorer la chair du Christ n'est rien autre qu'adorer le Verbe incarné, une telle adoration est celle de la Trie. Ces hommages s'adressent-ils uniquement à l'humanité du Divin Sauveur? Perfectionnés par tous les dons de la grâce, ils appartiennent alors au culte de Dully, et non à l'adoration de la Trie. Note. Dans la pratique, on ne sépare point la chair du Christ de sa divinité. Cela ne saurait avoir lieu que dans la subtilité de la pensée, cas auquel s'applique la discussion présente. Fin de la note. 3. Doit-on adorer l'image du Christ par l'adoration de la Trie? Saint Jean Damascène rapporte ce mot de Saint Basile, l'honneur que l'on rend à une image se rapporte à son prototype. Lorsque l'âme humaine se porte vers une image considérée comme objet matériel et non comme représentation d'un être, son mouvement diffère de celui par lequel elle se porte vers l'être représenté. Mais, si elle se porte vers l'image considérée comme représentation de cet être, son mouvement se confond avec celui qui se rapporte à l'être lui-même. L'image du Christ, envisagée en elle-même, comme objet sculpté ou peint, ne commande aucun respect. La vénération n'est due qu'aux êtres doués de raison. Il faut dire, par conséquent, que quiconque honore une telle image, la considère comme la représentation du Christ. Il lui rend dès lors la vénération due au Christ lui-même. Donc, parce que nous adorons le Christ de l'adoration de la Trie, un culte pareil est dû à son image. Note. Ce précepte, vous ne ferez point de figure taillée, ni aucune image, défend uniquement de faire des statues et des tableaux pour les adorer. Aussi Dieu ajoute-t-il aussitôt, vous ne les adorerez, ni leur rendrez aucun culte. Exode 20:4. S'il est vrai que l'on se porte par un mani-mouvement vers l'image et vers l'être qu'elle représente, il était naturel de prohiber l'adoration des images, par lesquelles les gentils honoraient leur Dieu, qui n'était autre que les démons. De là cette parole, « Vous n'aurez pas de dieux étrangers en ma présence ». D'un autre côté, le vrai Dieu ne pouvait être représenté sous une image sensible, puisqu'il n'a point de corps. Depuis qu'il s'est fait homme, il est permis de l'adorer sous l'image corporelle qui le représente. Fin de la note. 4. Faut-il adorer la croix du Christ par l'adoration de la trie? L'Église chante ces paroles, « Salut, ô croix, notre unique espérance ! En ce temps de la Passion, augmentez la justice des justes et accordez le pardon aux coupables. L'honneur n'est dû qu'à un être raisonnable, on ne le rend aux choses insensibles qu'à cause de leur rapport avec les êtres doués de raison, soit qu'elles les représentent, soit qu'elles aient avec eux une union quelconque. Ainsi les hommes ont coutume de vénérer l'image du roi à cause du premier de ses rapports, et le manteau royal en raison du second. Dans l'un et l'autre cas, ils rendent à ces objets le même honneur qu'au roi. Cela étant, s'il est question de la vraie croix, à laquelle le Christ a été attaché, nous devons la vénérer de ces deux manières, car elle est la figure du Christ qui a été étendu, et elle a été arrosée par son sang. On lui rend, sous ce double rapport, une adoration qui se rapporte au Christ, celle de la trie. De là vient que nous lui adressons la parole et des prières comme au divin crucifié lui-même. S'il s'agit seulement de l'image de la vraie croix du Christ, faite d'une matière quelconque, de pierre, de bois, d'argent ou d'or, nous la vénérons encore, mais uniquement comme l'image du Christ, à laquelle nous rendons le culte de la trie, dans le sens expliqué plus haut. Note. Comment peut-on rendre des honneurs, dira quelqu'un, à ce qui a été un sujet d'ignominie pour le Christ? La croix sur laquelle le Christ a souffert la mort est loin d'être un objet d'horreur et d'ignominie aux yeux du chrétien, qui voit en elle, au contraire, la puissance même du Christ, manifestée par la victoire remportée sur les ennemis de notre salut. Aussi saint Paul écrivait-il, « Si la prédication de la croix est une folie pour ceux qui se perdent, elle est, pour ceux qui se sauvent, c'est-à-dire pour nous, la puissance même de Dieu. » 1 Corinthiens 1, 18. Fin de la note. 5. Doit-on adorer la mère du Christ par le culte de la trie? Le culte de la trie n'est dû qu'à Dieu, il ne doit être offert à aucune créature vénérée pour elle-même. La Sainte Vierge n'y a pas droit. Toutefois, comme elle est la mère de Dieu, nous devons lui offrir un culte supérieur à la vénération de Dully. Ce culte prend le nom d'hyperdulie. Note. La mère d'un roi n'a pas droit à un honneur égal à celui du roi, on lui doit cependant un honneur en quelque sorte semblable, à cause de sa dignité. La raison pour laquelle on rend à la croix le culte de la trie, tandis que l'on n'adore pas la mère du Christ, qui a cependant avec son Fils une union plus étroite que celle qui existe entre son Fils et la croix, c'est que la relation qui l'unit à son Fils n'est pas de la même nature que celle qui fait rapporter à leur type l'honneur rendu aux images. Chacun comprend qu'une image considérée comme objet matériel ne mérite par elle-même aucun respect, au lieu que la mère du Christ mérite par elle-même qu'on la vénère. Pour le même motif, on ne rend pas le culte de la trie aux hommes, bien qu'ils soient créés à l'image de Dieu. Fin de la note. 6. Faut-il vénérer les reliques des saints? Laissons parler saint Augustin. Si les enfants pieux regardent comme précieux les vêtements d'un père, son anneau, ou tel autre objet semblable, ils doivent, à bien plus forte raison, vénérer son corps, qui lui a été plus intimement uni qu'un vêtement quel qu'il soit. Il faut conclure de ces paroles que tout homme qui en aime un autre vénère ce qui reste de lui après la mort, son corps, les membres de son corps, ses vêtements, et les autres choses pareilles. Or nous devons avoir en vénération les saints, qui sont les membres de Jésus-Christ, les enfants de Dieu, ses amis et nos intercesseurs. C'est donc un devoir pour nous de vénérer leurs reliques, et principalement leur corps, qui, autrefois les temples, et les organes du Saint-Esprit, seront assimilés au corps du Christ par la résurrection glorieuse. Dieu lui-même les honore convenablement, en faisant des miracles par leur intermédiaire. Note. Saint Jérôme écrivait à Riparius. Nous n'adorons point par le culte de l'atrie les reliques des martyrs, mais nous les honorons, afin d'adorer celui à qui ils ont rendu témoignage, nous vénérons les serviteurs de Dieu, afin que l'honneur que nous leur rendons revienne à leur maître. markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR. Licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.